Je me suis caché de mon mari, pour quelques sommes que j'ai données pour M. Chatterton. Je n'osais pas la lui demander, et je ne les ai pas reçues encore. Mon mari s'en est aperçu. Dans ce moment même, j'allais peut-être me déterminer à en parler à ce jeune homme. Oh, que je vous remercie de m'avoir épargné cette mauvaise action. Oui, c'eût été un crime, assurément, n'est-ce pas? Il en aurait fait un, lui, plutôt que de ne pas vous satisfaire. Fier comme je le connais, cela est certain. Mon ami, ménageons-le. Il est atteint d'une maladie toute morale et presque incurable, et quelquefois contagieuse. Maladie terrible, qui se saisit surtout des âmes jeunes, ardentes et toutes neuves à la vie, éprises de l'amour du juste et du beau, et venant dans le monde pour y rencontrer, à chaque pas, toutes les iniquités et toutes les laideurs d'une société mal construite. Ce mal, c'est la haine de la vie et l'amour de la mort. C'est l'obstiné suicide. Oh, que le Seigneur lui pardonne! Serait-ce vrai? Je dis obstiné, parce qu'il est rare que ces malheureux renoncent à leur projet quand il est arrêté en eux-mêmes. En est-il là? En êtes-vous sûr? Dites-moi vrai, dites-moi tout. Je ne veux pas qu'il meure. Qu'a-t-il fait? Que veut-il? Un homme si jeune, une âme céleste, la bonté des anges, la candeur des enfants, une âme tout éclatante de pureté, tomber ainsi dans le crime des crimes, celui que le Christ hésiterait lui-même à pardonner. Non, cela ne sera pas. Il ne se tuera pas. Que lui faut-il? Est-ce de l'argent? Eh bien, j'en aurai. Nous en trouverons bien quelque part pour lui. Tenez, tenez, voilà des bijoux que jamais je n'ai daigné porter. Prenez-les, vendez tout. Se tuer, là, devant moi et mes enfants. Vendez, vendez, je dirai ce que je pourrai. Je recommencerai à me cacher. Enfin, je ferai mon crime aussi, moi. Je mentirai. Voilà tout. Tes mains, ma fille, que je les adore. Il baise ses deux mains réunies. Tes fautes sont innocentes, et pour cacher ton mensonge miséricordieux, les saintes, tes sœurs, étendraient leur voile. Mais garde tes bijoux. C'est un homme à mourir 20 fois devant un or qu'il n'aurait pas gagné ou tenu de sa famille. J'essaierai bien inutilement de lutter contre sa faute unique, vice presque vertueux, noble imperfection, péché sublime, l'orgueil de la pauvreté. Mais n'a-t-il pas parlé d'une lettre qu'il aurait écrite à quelqu'un dont il attendrait du secours? Ah, c'est vrai, cela était échappé à mon esprit, mais ton cœur avait entendu. Oui, voilà une encre de miséricorde. Je m'y appuierai avec lui.